Moi et mon pote Joël, on est réunis autour d'un bureau pour chanter devant un petit micro et raconter plein d'histoires inutiles, même parfois un peu futiles. Mais nous, c'est notre délire, c'est tout ce dont on a besoin pour être heureux. Un peu d'amour aussi avec nos copines, et là on voit la vie tout bleue. À toi, mon pote Joël. Je me rappelle quand on s'était rencontrés pour la première fois. C'était quand on buvait un truc. Pour une fois, c'était pas du calva. C'était dans un café ou dans un bar. Je m'en rappelle plus. Un peu que c'est plutôt, mais c'est pas grave. On va passer à autre chose de plus beau. Servira un peu plus à faire une petite chanson entre amis, avec tout sauf des fourmis. Pour une fois, ça change du poulet qui se baladait sur un paquebot dans la forêt. C'est parti pour l'inspi, c'est parti, vas-y, joue mon gars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté comme ça. J'y cognais la tête, je suis ta guitare et je ne me chante plus très bien. Je te réveille un peu plus tard. J'aurai terminé la musique parce que je vais encore devoir me taper un coup de trick pour trouver tes rimes. Oh oui, mon petit gars, ça m'avait pensé à un physique. C'est parti, j'ai décidé de chanter, de réveiller tout le monde, y compris les voisins qui ne sont pas nos copains. Là c'est le moment où jamais de dire des choses un peu you-you. Voilà you-you. J'avais pas et que JB non plus n'était pas au courant. J'ai que ma mère vient de rentrer et qu'elle a invité tous les voisins à manger un gratin comme des boudins. Comme des boudins. Ça va, c'est pas trop le temps chez toi. Je comprends pourquoi t'invites toujours tes voisins pour manger des gratins de boudins. Avec un peu de poussin et des crétins, oh oui. Ça y en a, attire la rigole. Je pense à l'autre idée que vous m'avez dit il y a quelques minutes concernant les gens qui chantent pour raconter de la grosse merde. Je pense à Chérie Palouna et moi aussi, ces grosses poufières de merde qui nous calmez-vous, qui nous racontent toujours de la merde. Mais attends, ce cas-là, on fait dans une autre musique. Moi, ne meurs pas. Pour une fois qu'il y a toi, Didi touche. Oh la vache. Ah, de fumer. J'ai arrêté hier. Bon, allez, là.